Daria Alexandrovna accepta la proposition que lui firent les Lévines de passer l'été chez eux, car sa maison de Yergouchovo tombait en ruine. Stepan Arkadievitch, retenu à Moscou par ses occupations, approuva fort cet arrangement et témoigna un vif regret de ne pouvoir venir que de loin en loin. Outre les Oblonsky et leurs troupeaux d'enfants, les Lévines eurent la visite de la vieille princesse, qui se croyait indispensable auprès de sa fille à cause de la situation de celle-ci. Ils eurent encore Varinka, l'ami de Kitty à Soden, et Serge Ivanitch, qui, seul parmi les autres de Parchovski, représenta la famille Lévine, bien qu'il ne fût Lévine qu'à moitié. Constantin, quoique fort attaché à tous ceux qui logeaient sous son toit, se surprit à regretter un peu ses habitudes d'autrefois en constatant que l'élément Cherbadzi, comme il l'appelait, était bien envahissant. La vieille maison, déserte si longtemps, n'avait presque plus de chambre inoccupée. Chaque jour, en se mettant à table, la princesse comptait les convives afin de ne pas risquer d'être 13, et Kitty, en bonne ménagère, mit tous ses soins à s'approvisionner de poulets et de canards pour satisfaire aux appétits de ses hôtes que l'air de la campagne rendait exigeant. La famille était à table et les enfants projetaient d'aller chercher les champignons avec la gouvernante Evainka, lorsqu'au grand étonnement de tous, Serge Ivanitch témoigna le désir de faire partie de l'expédition. « Permettez-moi d'aller avec vous, » dit-il en s'adressant à Varinka. « Avec plaisir, » répondit celle-ci en rougissant. Kitty échangea un regard avec Dolly. Cette proposition confirmait une idée qui les préoccupait depuis quelque temps. Après le dîner, les deux frères causèrent tout en prenant le café, mais Koslichev surveillait la porte par laquelle les promeneurs devaient sortir, et dès qu'il aperçut Varinka en robe de toile, un mouchoir blanc sur la tête, il interrompit la conversation, avala le fond de sa tasse et s'écria « me voilà, Barbe Andreevna !» Que dites-vous de ma Varinka, n'est-ce pas qu'elle est charmante ?» dit Kitty, s'adressant à son mari et à sa sœur, de façon à être entendue de Serge Ivanitch. Mais tu oublies toujours ton état, Kitty. Il est imprudent de crier ainsi, interrompit la princesse, sortant précipitamment du salon. Varinka revint sur ses pas en entendant réprimander son amie. Elle était animée, émue et troublée. Kitty l'embrassa et lui donna mentalement sa bénédiction. Je serais très heureuse si certaines choses arrivaient, lui murmura-t-elle. « Venez-nous avec nous ?» demanda la jeune fille à Lévine pour dissimuler son embarras. « Oui, jusqu'aux granges, j'ai de nouvelles charrettes à examiner. Et toi, où seras-tu » demanda-t-il à sa femme. « Sur la terrasse. » Sur cette terrasse où les dames se réunissaient volontiers après le dîner, on se livrait ce jour-là à une grave occupation. Outre la confection habituelle d'objets variés destinés à la layette, on y faisait des confitures d'après un procédé pratiqué chez les Cherbadzi, mais inconnu de la vieille Agathe Mikhailovna. Celle-ci, rouge, les cheveux en désordre, les manches relevées jusqu'au coude, tournait de fort mauvaise humeur la bassine à confiture au-dessus d'un petit fourneau portatif, tout en faisant intérieurement des vœux pour que la framboise brûlât. La vieille princesse, auteur de ces innovations, et se sentant maudite en conséquence, surveillait du coin de l'œil les mouvements de la ménagère, sans cesser de causer avec ses filles d'un air indifférent. La conversation des trois femmes tomba sur Varinka, et Kitty, pour n'être pas comprise d'Agathe Mikhailovna, exprima en français l'espoir d'apprendre que Serge Ivanitch s'était déclaré. « Qu'en pensez-vous, maman ?»« Je pense que ton beau-frère a le droit de prétendre aux meilleures parties de la Russie, quoiqu'il ne soit plus de la première jeunesse. Quant à elle, c'est une personne excellente. »« Mais songez donc, maman, que Serge, avec sa situation dans le monde, n'a aucun besoin d'épouser une femme à cause de ses relations ou de sa fortune. » Ce qu'il lui faut, c'est une jeune fille douce, intelligente, aimante. Oh, ce serait si bien. Quand ils vont rentrer de leur promenade, je lirai tout dans leurs yeux. Qu'en dis-tu, Dolly ? Ne t'agite donc pas ainsi, cela ne te vaut rien, reprit la princesse. Maman, comment papa vous a-t-il demandé en mariage ? Dit tout à coup Kitty, fière en sa qualité de femme mariée, de pouvoir aborder ces sujets importants avec sa mère comme avec une égale. Mais très simplement, répondit la princesse dont le visage s'illumina à ce souvenir. Vous l'aimiez avant qu'il se fût déclaré ? Oh, certainement. Oh, tu crois donc que vous avez inventé quelque chose de nouveau ? Mais cela s'est décidé, comme toujours, par des regards et des sourires. Costilla t'a-t-il rien dit de si particulier ? Oh, lui, il a écrit sa déclaration avec de la craie, qu'il y a longtemps de cela, déjà. J'y pense, reprit Kitty après un silence pendant lequel les trois femmes avaient été préoccupées des mêmes pensées. Ne faudrait-il pas préparer Serge à l'idée que Varinka a eu un premier amour ? Tu te figures que tous les hommes attachent autant d'importance à cela que ton mari ? Reprit Dolly. Mais je suis sûr que le souvenir de Vronsky le tourmente encore. « C'est vrai, » dit Kitty avec un regard pensif. « Mais qu'y a-t-il là qui puisse l'inquiéter ?» demanda la princesse, disposée à la susceptibilité dès que sa surveillance maternelle semblait mise en question. « Vronsky t'a fait la cour, mais à quelle jeune fille ne la fait-on pas ?»« Quel bonheur pour Kitty qu'Anna soit survenue !» fit remarquer Dolly. Et comme les rôles sont intervertis. Anna était heureuse alors, tandis que Kitty se croyait à plaindre. J'ai souvent songé à cela. Il est bien inutile de penser à cette femme sans cœur, s'écria la princesse, qui ne se consolait pas d'avoir Lévin pour gendre au lieu de Vronsky. Certes, oui, et quant à moi, je ne veux pas y penser du tout, reprit Kitty, entendant le pas bien connu de son mari sur l'escalier. « À qui ne veux-tu plus penser ?» demanda Lévin, paraissant sur la terrasse. Personne ne lui répondit, et il ne réitéra pas sa question. « Je regrette de troubler votre intimité, » dit-il, vexé de sentir qu'il interrompait une conversation qu'on ne voulait pas poursuivre devant lui. Et pendant un instant, il se trouva à l'unisson de la vieille bonne, furieuse de subir la domination des Cherbatsky. Il s'approcha cependant de Kitty en souriant. « Viens-tu au-devant des enfants ? J'ai fait atteler. » « Tu ne prétends pas secouer Kitty en charabanc, j'imagine. Nous irons au pas, princesse. » Lévin n'avait pu se décider, comme ses beaux-frères, à nommer la princesse maman, quoiqu'il l'aimât et la respectât. Il aurait cru porter atteinte au souvenir de sa mère. Cette nuance froissait la princesse. « Alors j'irai à pied, » dit Kitty, se levant pour prendre le bras de son mari. « Eh bien, gâte Mihailovna, vos confitures réunissent-elles, grâce à la nouvelle méthode ?» demanda Lévin en souriant à la ménagère pour la dérider. « Bon, prétend qu'elles sont bonnes, mais bon, selon moi, elles sont trop cuites. »« Au moins, ne tourneront-elles pas, Agathe Mihailovna ?» dit Kitty, devinant l'intention de son mari. « Et vous savez qu'il n'y a plus de glace dans la glacière. Quant à vos salaisons, maman assure d'en avoir jamais mangé le meilleur, » ajouta-t-elle, ajustant en souriant le fichu dénoué de la ménagère. « Ne me consolez pas, madame, » répondit Agathe Mihailovna, regardant Kitty d'un air encore fâché. « Il me suffit de vous voir avec lui pour être contente. » Cette façon familière de désigner son maître toucha Kitty. « Venez nous montrer les bons endroits pour trouver les champignons. » La vieille hocha la tête en souriant. Oh, on voudrait vous garder rancune qu'on ne le pourrait pas, semblait dire ce sourire. Suivez mon conseil, mettez au-dessus de chaque pot de confiture un rond de papier imbibé de rhum, et vous n'aurez pas besoin de glace pour les conserver, dit la princesse. Kitty avait remarqué le mécontentement passager qui s'était si vivement traduit dans la physionomie de son mari. Aussi fut-elle bien aise de se trouver un moment seule avec lui. Ils prirent les devants sur la route poudreuse, toute semée d'épis et de grains, et Lévin oublia vite l'impression pénible qu'il avait éprouvée pour jouir du sentiment pur et encore si nouveau de la présence de la femme aimée. Sans avoir rien à lui dire, il désirait entendre le son de la voix de Kitty, voir ses yeux auxquels son état donnait un regard particulier de douceur et de sérieux. « Appuie-toi sur moi, tu te fatigueras moins. »« Oh, je suis si heureuse d'être seule un moment avec toi. »« J'aime les miens, mais je regrette nos soirées d'hiver à nous deux. »« Sais-tu de quoi nous parlions quand tu es venue ?»« Ben, de confiture. »« Oui, mais aussi de demande en mariage de Serge et de Varinka. »« Les as-tu remarquées? Qu'en penses-tu » ajouta-t-elle, se tournant vers son mari pour le voir bien en face. « Ben, ne sais que penser. Serge m'a toujours étonné. Tu sais qu'il a jadis été amoureux d'une jeune fille qui est morte. C'est un de mes souvenirs d'enfance. Depuis lors, je crois que les femmes n'existent plus pour lui. Mais Varinka, peut-être, je ne sais. » Serge est un homme trop pur qui ne vit que par l'âme. As-tu veux dire qu'il est incapable de devenir amoureux ? Dit Kitty, exprimant à sa façon l'idée de son mari. Je ne dis pas cela, mais il n'a pas de faiblesse, et c'est ce que je lui envie, malgré mon bonheur. Il ne vit pas pour lui-même, c'est le devoir qui le guide. Aussi a-t-il le droit d'être tranquille et satisfait. Et toi ? « Pourquoi serais-tu mécontent de toi ? » demanda-t-elle avec un sourire. Elle savait que l'admiration exagérée de son mari pour Serge Ivanitch et son découragement de lui-même tenaient tout à la fois au sentiment excessif de son bonheur et un désir incessant de devenir meilleur. « Mais je suis trop heureux, je n'ai rien à souhaiter en ce monde, si ce n'est que tu ne fasses pas de faux pas. Et quand je me compare à d'autres, à mon frère surtout, je sens toute mon infériorité. Mais ne penses-tu pas toujours à ton prochain, dans ton exploitation, dans ton livre ? Je le fais superficiellement, comme une tâche dont je cherche à me débarrasser. Ah, si je pouvais aimer mon devoir comme je t'aime, c'est toi qui es la coupable. Où dois-tu changer avec Serge ? Le plus aimé que ton devoir est le bien général ? Certes non, je suis trop heureux pour raisonner juste. Ainsi, alors tu crois que la demande aura lieu aujourd'hui ? Demanda-t-il après un moment de silence. Tiens, voilà le charaban qui nous rejoint. Kitty, tu n'es pas fatiguée ? Cria la princesse. Pas le moins du monde, maman. La promenade se continua à pied. Varinka parut très attrayante ce jour-là à Serge Ivanitch. Tout en marchant à ses côtés, il se rappela ce qu'il avait entendu dire de son passé et ce qu'il avait remarqué lui-même de bon et d'aimable en elle. Son cœur éprouvait un sentiment particulier, ressenti une seule fois, jadis, dans sa première jeunesse, et l'impression de joie causée par la présence de la jeune fille fut un instant si vive qu'en mettant dans le panier de celle-ci un champignon monstre qu'ils venaient de trouver, leurs yeux se rencontrèrent dans un regard trop expressif. « Je vais chercher les champignons avec indépendance, » dit-il, craignant de succomber comme un enfant à l'entraînement du moment, « car je m'aperçois que mes trouvailles passent inaperçues. »« Pourquoi résisterais-je » pensa-t-il, quittant la lisière du bois pour s'enfoncer dans la forêt où, tout en allumant son cigare, il se livra à ses réflexions. Le sentiment que j'éprouve n'est pas de la passion. C'est une inclination naturelle, à ce qu'il me semble, et qui n'entraverait ma vie en rien. Ma seule objection sérieuse au mariage est la promesse que je me suis faite en perdant Marie de rester fidèle à son souvenir. Cette objection, Serge Ivanitch le sentait bien, ne touchait qu'un rôle poétique qu'il jouait aux yeux du monde. Aucune femme, aucune jeune fille ne répondait mieux que Varinka à tout ce qu'il cherchait dans celle qu'il épouserait. Elle avait le charme de la jeunesse sans enfantillage, l'usage du monde sans aucun désir d'y briller, une religion élevée et basée sur de sérieuses convictions. De plus, elle était pauvre, sans famille, et n'imposerait pas comme Kitty une nombreuse parenté à son mari. Et cette jeune fille l'aimait. Quelque modeste qu'il fût, il s'en apercevait. La différence d'âge entre eux ne serait pas un obstacle. Varinka n'avait-elle pas dit une fois qu'un homme de 50 ans ne passait pour un vieillard qu'en Russie? En France, c'était la force de l'âge. Or, à 40 ans, il était un jeune homme. Lorsqu'il entrevit la taille souple et gracieuse de Varinka entre les vieux bouleaux, son cœur se serra joyeusement et, décidé à s'expliquer, il jeta son cigare et s'avança vers la jeune fille. Barbe Andreevna, dans ma jeunesse, je m'étais fait un idéal de la femme que je serais heureux d'avoir pour compagne. Ma vie s'est passée jusqu'ici sans la rencontrer. Vous seul réalisez mon rêve, je vous aime et vous offre mon nom. Ces paroles sur les lèvres, Serge Ivanitch regardait Varinka agenouillée dans l'herbe à 10 pas de lui et défendant un champignon contre les attaques de Grisha afin de le réserver aux plus petits. « par ici, il y a des quantités !» criait-elle de sa voix bien timbrée. Elle ne se leva pas à l'approche de Koznichev, mais tout dans sa personne témoignait de la joie de le revoir. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» lui demanda-t-elle, tournant son éblave visage, souriant vers lui. « Bon, rien du tout, » répondit-il. Après avoir indiqué les bons endroits aux enfants, elle se leva et rejoignit Serge. Ils firent silencieusement quelques pas. Varinka, étouffée par l'émotion, se doutait de ce que Koznichev avait sur le cœur. Tout à coup, quoiqu'elle n'eût rien guère envie de parler, elle rompit le silence pour dire, presque involontairement, « Si vous n'avez rien trouvé, c'est qu'il y a toujours moins de champignons dans l'intérieur du bois que sur la lisière. » Koznichev soupira sans répondre. Cette phrase insignifiante lui déplaisait. Ils continuèrent à marcher, s'éloignant toujours plus des enfants. Le moment était propice pour une explication, et Serge Ivanitch, en voyant l'air troublé et les yeux baissés de la jeune fille, s'avoua même qu'il l'offensait en se taisant. Il s'efforça de se rappeler ses réflexions sur le mariage, mais au lieu des paroles qu'il avait préparées, il demanda « Quelle différence y a-t-il entre un cep et un mousseron ?» Les lèvres de Varinka tremblèrent en répondant « Il n'y a de différence que dans le pied. » Tous deux sentirent que c'en était fait. Les mots qui devaient les unir ne seraient pas prononcés et l'émotion violente qui les agitait se calma peu à peu. « Le pied du mousseron fait penser à une barbe noire mal rasée, » dit tranquillement Serge Ivanitch. « C'est vrai, » répondit Varinka avec un sourire. Puis leur promenade se dirigea involontairement du côté des enfants. Marinka était confuse et blessée, mais cependant soulagée. Serge Ivanitch repassait dans son esprit ses raisonnements sur le mariage et les trouvait faux. Il ne pouvait être infidèle au souvenir de Marie. « Doucement, enfant, doucement !» cria Lévin, voyant les enfants se précipiter vers Kitty avec des cris de joie. Derrière les enfants parurent Serge Ivanitch et Varinka. Kitty n'eut pas besoin de questionner, elle comprit à leur ton calme et un peu honteux que l'espoir dont elle se berçait ne se réaliserait pas. « Cela ne prend pas !» dit-elle à son mari en rentrant. On se réunit sur la terrasse pendant que les enfants prenaient le thé. L'impression qu'il s'était passé un fait important, quoique négatif, pesait sur tout le monde, et pour dissimuler l'embarras général, on causa avec une animation forcée. Serge Ivanitch et Varinka semblaient deux écoliers qui auraient échoué à leurs examens. Lévin et Kitty, plus amoureux que jamais l'un de l'autre, se sentaient confus de leur bonheur, comme d'une allusion indiscrète à la maladresse de ceux qui ne savaient pas être heureux. Stepan Arkadievitch et peut-être le vieux prince devaient arriver par le train du soir. « Alexandre ne viendra pas, croyez-moi, disait la princesse. Il prétend qu'on ne doit pas troubler la liberté de nos jeunes mariés. Papa nous abandonne. Grâce à ce principe, nous ne le voyons plus, dit Kitty. Et pourquoi nous considère-t-il comme de jeunes mariés, comme nous sommes déjà d'anciens époux ? Le bruit d'une voiture dans l'avenue interrompit la conversation. C'est Stiva ! Cria Lénine. Et je vois quelqu'un auprès de lui, cela doit être papa. Grisha, courons devant d'eux. Mais Lévin se trompait. Le compagnon de Stepan Arkadievitch était un beau gros garçon, coiffé d'un béret écossais, avec de longs rubans flottants, nommé Vassia Veslovski, parent éloignant des Cherbatsky, ayant des ornements du beau monde de Moscou et de Pétersbourg. Veslovski ne fut aucunement troublé du désenchantement causé par sa présence. Il salua gaiement Lévin, lui rappela qu'ils s'étaient rencontrés autrefois, et enleva Grisha pour l'installer dans la calèche. Lévin suivit à pied. Contrarié de ne pas voir le prince qu'il aimait, il n'était plus encore de l'intrusion de cet étranger dont la présence était parfaitement inutile. Cette impression fâcheuse s'accrut en voyant Vassia baiser galamment la main de Kitty devant les personnes assemblées sur les perrons. Nous sommes cousins, votre femme et moi, et d'anciennes connaissances, dit le jeune homme, serrant une seconde fois la main de Lévin. Eh bien, demanda Oblonsky tout en saluant sa belle-mère et en embrassant sa femme et ses enfants, y a-t-il du gibier ? « Nous arrivons avec des projets meurtriers, Veslovski et moi. »« Comme te voilà bonne mine, Olly, » dit-il, baisant la main de celle-ci et la lui caressant d'un geste affectueux. Lévin, si heureux tout à l'heure, considérait cette scène avec humeur. « Qui ces mêmes lèvres ont-elles embrassées hier, » pensait-il, « et de quoi, Olly, est-elle si contente, puisqu'elle ne croit plus à son amour ?» Il fut vexé de l'accueil gracieux fait à Veslovski par la princesse. La politesse de Serge Ivanitch pour Oblonsky lui parut hypocrite, car il savait que son frère ne tenait pas Stepan Arkadievitch en haute estime. Mais Varinka, à son tour, lui fit l'effet d'une sainte nitouche, capable de se mettre en frais pour un étranger, tandis qu'elle ne songeait qu'au mariage. Mais son mécontentement fut au comble quand il vit Kitty répondre au sourire de ce personnage qui considérait sa visite comme un bonheur pour chacun. C'était le confirmer dans cette sotte prétention. Il profita du moment où l'on rentrait en causant avec animation pour s'esquiver. Kitty s'étant aperçu de la mauvaise humeur de son mari, courut après lui, mais il la repoussa, déclarant avoir affaire au bureau, et disparut. Jamais ses occupations n'avaient eu plus d'importance à ses yeux que ce jour-là. Lévin rentra lorsqu'on le fit avertir que le souper était servi. Il trouva Kitty et Agathe Mikhailovna debout sur l'escalier, se concertant sur les vins à offrir. « Pourquoi tous fous cinq conservent le vin ordinaire ?»« Non, Stiva n'en boit pas. »« Mais qu'as-tu, Kostia ?» demanda Kitty, cherchant à le retenir. Mais il ne l'écouta pas et continua son chemin à grands pas vers le salon, où il se hâta de prendre part à la conversation. « Eh bien, allons-nous demain à la chasse ?» lui demanda Stepan Arkadievitch. « Allons-y, je vous en prie, » dit Veslovski, penché sur sa chaise et assis sur l'une de ses jambes. « Volontiers. Avez-vous déjà chassé cette année ?» répondit Lévin, s'adressant à Vassia avec une fausse cordialité que Kitty lui connaissait. « Je ne sais si nous trouverons des bécasses, mais les bécassines abondent. Il faudra partir de bonne heure. Cela ne te fatiguera pas, Stiva ?» « Oh, jamais. Je suis prêt, si tu veux, à ne pas dormir de la nuit. »« Ah, oui, vous en êtes capable, » dit Dolly, avec une certaine ironie, « aussi bien que d'empêcher le sommeil des autres. Pour moi qui ne soupe pas, je me retire. »« Non, Dolly, » s'écria Stepan Arkadievitch, allant s'asseoir auprès de sa femme, « reste un moment encore. J'ai tant de choses à te raconter. »« Sais-tu que Veslovski a vu Anna ?» Elle habite à 70 verstes d'ici seulement. Il ira chez elle en nous quittant. Je compte y aller aussi. Vraiment? Vous avez été chez Anna Arkadievna? Demanda Dolly à Vassinka, qui s'était approchée des dames et s'était placée à côté de Kitty à la table du souper. Lévin, tout en causant avec la princesse et Varinka, s'aperçut de l'animation de ce petit groupe. Il crut un entretien mystérieux, et la physionomie de sa femme, en regardant la jolie figure de Vassinka, lui sembla exprimer un sentiment profond. Bon, leur installation est superbe, racontait celui-ci avec vivacité, et l'on se sent à l'aise chez eux. Ce n'est pas à moi de les juger. Que compte-t-il faire? Passer l'hiver à Moscou, je crois. Mais ce serait charmant de se réunir là-bas. « Quand y seras-tu ?» demanda Oblonsky au jeune homme. « En juillet. »« Et toi ?» demanda-t-il à sa femme. « Oh, quand tu seras parti, j'irai seul, cela ne gênera personne. Et je tiens à voir Anna. C'est une femme que je plains et que j'aime. »« Parfaitement, » répondit Stepan Arkadievitch. « Et toi, Kitty ?»« Moi, qu'irai-je faire chez elle ?» dit Kitty. Que cette question fit rougir de contrariété. Vous connaissez Anna Arkadievna ? Demanda Versovski. C'est une femme bien séduisante. Oui, répondit Kitty, rougissant toujours plus. Et jetant un coup d'œil à son mari, elle se leva pour aller le rejoindre. Si tu vas demain à la chasse ? Lui demanda-t-elle. La jalousie de Lévin en voyant Kitty rougir ne connut plus de bornes. Et sa question lui sembla une preuve d'intérêt pour ce jeune homme, dont elle était évidemment éprise et qu'elle désirait occuper agréablement. « Certainement, » répondit-il d'une voix contrainte qui lui fit horreur à lui-même. « Passez plutôt la journée de demain avec nous, » Dolly n'a guère profité de la visite de son mari. Lévin traduisit ainsi ces mots. « Ne me sépare pas de lui, tu peux t'en aller, mais laisse-moi jouir de la présence enchanteresse de cet aimable étranger. » Vassinka, sans soupçonner l'effet produit par sa présence, s'était levé de table pour rejoindre Kitty avec un sourire caressant. « Mais comment ose-t-il se permettre de la regarder ainsi ?» pensa Lévin, pâle de colère. « À demain, la chasse, n'est-ce pas ? demanda innocemment Vasinka. Et il s'assit encore de travers sur une chaise, en repliant selon son habitude une de ses jambes sous lui. Emporté par la jalousie, Lévin se voyait déjà dans la situation d'un mari trompé qu'une femme et son amant cherchent à exploiter dans l'intérêt de leur plaisir. Néanmoins, il causa avec Veslovski, le questionna sur son attirail de chasse et lui promit d'un air affable d'organiser leur départ pour le lendemain. La vieille princesse vint mettre un terme aux tortures de son gendre en conseillant à Kitty d'aller se coucher. Mais pour achever d'exaspérer Lévin, Vasinka, souhaitant le bonsoir à la maîtresse de la maison, tenta de lui baiser la main. « Ce n'est pas reçu chez nous, » dit brusquement Kitty en retirant sa main. Comment avait-elle donné le droit à ce jeune homme de se permettre de pareilles familiarités, et comment pouvait-elle aussi maladroitement lui témoigner sa désapprobation? Oblonski, mis en gaieté par quelques verres de bon vin, se sentait d'humeur poétique. « Pourquoi veux-tu te coucher par ce temps splendide, Kitty ? Vois la lune qui se lève, c'est l'heure des sérénades. Vasinka a une voix charmante et a apporté de nouvelles romances qu'il pourrait nous chanter avec Barbe Andreevna. » Longtemps après que chacun se fut retiré, Lévin, enfoncé dans un fauteuil et gardant un silence obstiné, entendait encore ses hôtes chanter les nouvelles romances dans les allées du jardin. Kitty, l'ayant vainement interrogé sur la cause de sa mauvaise humeur, finit par lui demander en souriant si c'était Veslovski qui en était la cause. Cette question le fit s'expliquer. Debout devant sa femme, les yeux brillants sous ses sourcils froncés, les mains serrées contre sa poitrine comme s'il eût voulu comprimer sa colère, la voix tremblante, il lui dit, d'un air qui eût été dur si sa physionomie n'avait exprimé une aussi vive souffrance, « Ne me crois pas jaloux, ce mot me révolte. Pourrais-je tout à la fois croire en toi et être jaloux, mais je suis blessé, humilié, qu'on ose te regarder ainsi. » Comment m'a-t-il donc regardé ? Demanda Kitty, cherchant de bonne foi à se rappeler les moindres incidents de la soirée. Elle avait trouvé l'attitude de Vasinka au souper un peu familière, mais n'osa pas l'avouer. Une femme dans mon état peut-elle être attrayante ? Tais-toi ! S'écria Lévin, se prenant la tête à deux mains. Tu pourrais donc, si tu te sentais séduisant. Mais non, Kostia, dit-elle, affligée de le voir ainsi souffrir. Tu sais bien que personne n'existe pour moi en dehors de toi. Veux-tu que je m'enferme loin de tout le monde ? Après avoir été froissé de cette jalousie qui lui gâtait jusqu'aux distractions les plus innocentes, elle était prête à tout pour le calmer. Tâche de comprendre le ridicule de ma situation. Ce garçon est mon hôte, et en dehors de cette sotte galanterie de l'habitude de s'asseoir sur sa jambe, je n'ai rien d'inconvenant à lui reprocher. Il se croit certainement le ton le plus exquis. Je suis donc forcé de me montrer aimable et... Mais, Kostia, tu t'exagères les choses, interrompit Kitty, fière au fond du cœur de se sentir aussi passionnément aimée. Et lorsque tu es pour moi l'objet d'un culte que nous sommes si heureux, ce misérable aurait le droit. Au reste, ce n'est peut-être pas un misérable. Mais pourquoi notre bonheur serait-il à sa merci ? Écoute, Kostia, je crois que je sais ce qui t'a contrarié. Quoi ? Demanda Lévin troublé. Tu nous as observés pendant le souper. Et elle lui raconta l'entretien mystérieux qui lui avait paru suspect. Kitty, s'écria-t-il en voyant le visage pâle et ému de sa femme. « Je te fatigue, je t'épuise. Je suis un fou. Comment ai-je pu me procurer l'esprit d'une pareille niaiserie? Mais tu me fais peine. Peine, moi, je suis absurde. Et pour me punir, je vais accabler ce garçon des amabilités les plus irrésistibles, dit Lévin, baissant les mains de sa femme. Tu vas voir. Deux équipages de chasse attendaient à la porte le lendemain matin avant que les dames fussent levées. Lasca, près du cocher, tout ému et comprenant les projets de son maître, désapprouvait le retard des chasseurs. Le premier qui parut fut Vasinka Veslovski, en blouse verte, serrée à la taille par une ceinture de cuir odorant, chaussée de bottes neuves, coiffée de son béret à ruban, un fusil anglais à la main. Lasca sauta vers lui pour le saluer et lui demander à sa façon si les autres allaient venir. Mais se voyant incomprise, elle retourna à son poste et attendit, la tête penchée, l'oreille aux aguets. Enfin, la porte s'ouvrit avec fracas pour laisser passer crac le pointer de Stéphane Arkadievitch, bondissant devant de celui-ci. « tout beau !» cria Oblomski gaiement, cherchant à éviter les pattes du chien qui, dans sa joie, s'accrochait à la gypsière. Il était grossièrement chaussé, portait un pantalon usé, un paletot court et un chapeau défoncé. En revanche, son fusil était du plus récent modèle, et son carnier ainsi que sa cartouchière défiaient toute critique. Vasinka comprit que le dernier mot de l'élégance pour un chasseur était de tout subordonner à l'attirail même de la chasse. Il se promit d'en faire son profit une autre fois, et jeta un regard d'admiration sur Stepan Arkadievitch. Notre hôte est en retard, fit-il remarquer. Ben, il a une jeune femme, dit en souriant Blonsky. Ah, oh, quelle charmante femme! Oh, il sera rentré chez elle car je l'ai vue prête à partir. Stepan Arkadievitch avait deviné juste. Lévin était retourné vers Kitty pour lui faire répéter qu'elle lui pardonnait son absurdité de la veille et pour lui demander d'être prudente. Kitty fut obligée de jurer qu'elle ne lui en voulait pas de s'absenter pendant 2 jours et de promettre un bulletin de santé pour le lendemain. Ce départ ne plaisait guère à la jeune femme, mais elle s'y résigna gaiement en voyant l'entrain et l'animation de son mari. « Mille excuses, messieurs !» cria Lévin à courant vers ses compagnons. « A-t-on emballé le déjeuner ? Va-t'en, allez, Lasca, à ta place !» À peine montait-il en voiture qu'il fut arrêté par le vacher qui le guettait au passage pour le consulter au sujet des génisses, puis par le charpentier dont il dut rectifier les idées erronées sur la façon de construire un escalier. Enfin, on partit. Et Lévin, heureux de se sentir débarrassé de ses soucis domestiques, éprouva une joie si vive qu'il aurait voulu se taire et ne songer qu'aux émotions qui l'attendaient. Trouverait-on du gibier? Lasca tiendrait-elle tête à crac? Lui-même ne se déconsidérait-il pas comme chasseur devant cet étranger? Oblomski avait des préoccupations analogues. Seul Vavlovski ne tarissait pas, et Lévin, en l'écoutant bavarder, se reprocha ses injustices de la veille. C'était vraiment un bon garçon, auquel on ne pouvait guère reprocher que de considérer ses ongles soignés et sa tenue élégante comme autant de preuves de son incontestable supériorité. Du reste, simple, gai, bien élevé, prononçant admirablement le français et l'anglais, Lévin, autrefois, l'eût pris en amitié. À peine eurent-ils fait 3 verstes que Vassia s'aperçut de l'absence de son portefeuille et de ses cigares. Le portefeuille contenant une somme assez ronde, il voulut s'assurer qu'il l'avait oublié à la maison. « Oh, laissez-moi monter votre cheval de volée !» C'était un cheval cosaque sur lequel il galopait en imagination au travers des steppes, « et je serai vite de retour. » « Oh, inutile de vous déranger, mon cocher fera facilement la course !» répondit Lévin, calculant que le poids de Vasinka représentait 6 pounds. Le cocher fut dépêché en quête du portefeuille, et Lévin prit les rênes. Explique tout ton plan, demanda Stepan Arkadievitch. Oh, le voici, nous nous rendons directement au marais de Klopsdef, à 20 verstes d'ici, où nous trouverons certainement du gibier. En y arrivant vers le soir, nous pourrons profiter de la fraîcheur pour chasser. Nous nous coucherons chez un paysan et demain nous entreprenons le grand marais. N'y a-t-il rien sur la route ? Aussi fait, il y a deux bons endroits, mais cela nous retarderait et il fait trop chaud. Lévin comptait réserver pour son usage particulier ses chasses voisines de la maison, mais rien n'échappait à l'œil exercé d'Oblonski, et en passant devant un petit marais, il s'écria « Arrêtons-nous ici !»« Oh oui, arrêtons-nous, Lévin !» supplia Vassia. Il fallut se résigner. Les chiens s'élancèrent aussitôt, et Lévin resta à garder les chevaux. Une poule d'eau et un vanneau que tua Versovski furent tout ce qu'on trouva, et Lévin se sentit un peu consolé. Comme les chasseurs remontaient en voiture, Vassinka, tenant gauchement son fusil et son vanneau d'une main, un coup retentit et les chevaux se cabrèrent. C'était la charge du fusil de Versovski, qui heureusement ne blessa personne et s'enfonça dans le sol. Ses compagnons n'eurent pas le courage de le gronder, tant il se montra désespéré, mais ce désespoir fit bientôt place à une gaieté folle, à l'idée de leur panique et de la bosse que s'était faite Lévin en se heurtant à son fusil. Malgré les remontrances de leur hôte, on descendit encore au second marais. Cette fois, Vassinka, après avoir tué une bécasse, prit Lévin en pitié et offrit de le remplacer près des voitures. Lévin ne résista pas, et Laska, qui gémissait sur l'injustice du sort, s'élança d'un bond vers les endroits giboyeux avec une gravité que d'insignifiants oiseaux de marais ne parvinrent pas à ébranler. Elle fit quelques tours en cherchant une piste, puis s'arrêta soudain, et Lévin, le cœur battant, la suivit en marchant prudemment. « Pile ! » s'écria-t-il. Une bécasse s'éleva. Il la visait déjà, lorsque le bruit de pas avançant lourdement dans l'eau et les cris de Vevslovski le firent retourner. Le coup était manqué. À sa grande stupéfaction, Lévin aperçut alors les voitures et les chevaux à moitié enfoncés dans la vase. Vassinka leur avait fait quitter la grande route pour le marais, afin de mieux assister à la chasse. « Oh, que le diable l'emporte !» murmura Lévin. « Pourquoi avancer jusque-là » demanda-t-il sèchement au jeune homme après avoir ailé le cocher pour l'aider à dégager les chevaux. Non seulement on lui gâtait sa chasse et l'on risquait d'abîmer les chevaux, mais ses compagnons le laissèrent dételer et ramener les pauvres bêtes en lieu sec sans lui offrir de l'aider. Il est vrai que ni Stepan Arkadievitch ni Vevslovski n'avait la moindre notion de l'art d'atteler. En revanche, le coupable fit de son mieux pour dégager le char à banc et dans son zèle lui enleva une aile. Cette bonne volonté toucha Lévin, qui se reprocha sa mauvaise humeur et pour la dissimuler, il donna l'ordre de déballer le déjeuner. « Bon appétit, bonne conscience. Ce poulet va tomber jusqu'au fond de mes bottes, » dit Vassia rasséréné en dévorant son second poulet. « Nos malheurs sont finis, messieurs. Tout nous réussira désormais, mais en punition de mes méfaits, je demande à monter sur le siège et à vous servir d'automédon. » Malgré les protestations de Lévin qui craignait pour ses chevaux, il dut le laisser faire, et la gaieté contagieuse de Veslovski, chantant des romances et imitant un Anglais conduisant un four in hand, finit par le gagner. Ils atteignirent Gvozdev riant et plaisantant. En approchant du but de leur expédition, Lévin et Oblonski eurent la même pensée, celle de se débarrasser de leur incommode compagnon. « Le beau marais !» s'écria Stepan Arkadievitch, lorsque, après une course folle, ils arrivèrent encore en pleine chaleur du jour. « Remarquez-vous les oiseaux de proie ? C'est toujours un indice de gibier. » « Le marais commence à cet îlot, messieurs, » expliqua Lévin, tout en examinant son fusil, et il leur indiqua un point plus foncé qui tranchait sur l'immense plaine humide, fauchée par endroits. « Nous nous séparons en deux camps, si vous voulez bien, en nous dirigeant vers ce bouquet d'arbres, puis de là nous gagnerons le moulin. Oh, il m'est arrivé de tuer ici jusqu'à 17 bécasses. » Eh bien, prenez la droite, dit Stepan Arkadievitch d'un air indifférent. Il y a plus d'espace pour deux. Moi, je prendrai la gauche. C'est ça, repartit Vassia. Vous verrez que nous serons les plus forts. Force fut à Lévin d'accepter cet arrangement. Mais après l'aventure du coup de fusil, il se méfiait de son compagnon de chasse et il lui recommanda de ne pas rester en arrière. « Oh, ne vous occupez pas de moi, je ne veux pas vous gêner, » dit celui-ci. Les chiens partirent, se rapprochant, puis s'éloignant et cherchant la piste chacun de son côté. Lévin connaissait les allures de l'Aska et croyait déjà entendre le cri de la bécasse. Pif, paf ! C'était Vassinka tirant sur des canards. Une demi-douzaine de bécasses s'élevèrent les unes après les autres et Oblonski, profitant du moment, en abattit deux. Lévin fut moins heureux. Stepan Arkadievitch releva son gibier d'un air satisfait et s'éloigna par la gauche en sifflant son chien, tandis que Lévin rechargeait son fusil, laissant Veslovski tirer à tort et à travers. Lorsque Lévin manquait son premier coup, il perdait facilement son sang-froid et compromettait sa chasse. C'est ce qui lui arriva ce jour-là. Les bécasses étaient si nombreuses que rien n'eût été plus facile que de réparer une première maladresse. Mais plus il allait, moins il était calme. L'Aska regardait les chasseurs d'un air de doute et de reproche, et cherchait mollement. Dans le lointain, chacun des coups de fusil d'Oblonski semblait porter et sa voix criant « Crac, apporte !» arrivait jusqu'à eux, tandis que le carnier de Lévin, quand ils atteignirent une prairie appartenant à des paysans et située au milieu des marais, ne contenait que trois petites pièces, dont l'une revenait à Vassia. « Hé, les chasseurs !» cria un paysan assis près d'une télègue dételée, et levant au-dessus de sa tête une bouteille d'eau-de-vie qui brilla au soleil. « Venez boire un coup avec nous !» « Que disent-ils ? » demanda Veslovski. Ils nous offrent de boire avec eux. Ils se seront partagés les prairies. « J'accepterai bien, » ajouta Lévin, non sans arrière-pensée, espérant tenter Vassia. « Mais pourquoi veulent-ils nous régaler ? » ?»« Oh, signe de réjouissance, probablement. Allez-y, cela vous amusera. »« Allons, c'est curieux. » « Vous trouverez ensuite votre chemin jusqu'au moulin !» cria Lévin, enchanté de voir Vassinka s'éloigner, courbé en deux, butant de ses pieds fatigués contre les mottes de terre et tenant languissamment son fusil de son bras alourdi. « Viens aussi, toi !» cria le paysan à Lévin. Un verre d'eau de vie n'eût pas été de trop, car Lévin se sentait là et relevait avec peine ses pieds du sol marécageux, mais il aperçut l'Aska en arrêt et oublia sa fatigue pour la rejoindre. La présence de Vassinka lui avait porté malheur, croyait-il, mais celui-ci parti, la chasse ne fut pas plus heureuse, et cependant le gibier ne manquait pas. Quand il atteignit le point où Oblonski devait le rejoindre, il avait 5 misérables oiseaux dans sa gibecière. Crac précédait son maître d'un air triomphant. Derrière le chien apparut Stepan Arkadievitch, couvert de sueur, traînant la jambe, mais son carnier débordait de gibier. « Quel marais ! S'écria-t-il. Levesonsky a dû te gêner. Rien n'est plus incommode que de chasser à deux avec un chien, ajouta-t-il pour adoucir l'effet de son triomphe. Lévin et Oblonsky trouvèrent Verslovski déjà installé dans l'isba où il devait souper. Assis sur un banc auquel il se cramponnait des deux mains, il faisait tirer ses bottes couvertes de vase par un soldat, frère de leur hôtesse. « Je viens d'arriver, » dit-il riant de son rire communicatif. « Ces paysans ont été charmants. Figurez-vous qu'après m'avoir fait boire et manger, ils n'ont rien voulu accepter. Et quel pain, quelle eau de vie !»« Pourquoi vous aurait-il fait payer ?» remarqua le soldat. « Ils ne vendent pas leur eau de vie. » Les chasseurs ne se laissèrent pas rebuter par la saleté des lisbas que leurs bottes et les pattes de leurs chiens avaient souillées d'une boue noirâtre, et soupèrent avec un appétit qu'on ne connaît qu'à la chasse. Puis, après s'être nettoyés, ils allèrent se coucher dans une grange à foin où le cocher leur avait préparé des lits. La nuit tombait, mais l'envie de dormir ne leur venait pas, et l'enthousiasme de Vasinka pour l'hospitalité des paysans, la bonne odeur du foin et l'intelligence des chiens couchés à leurs pieds les tint éveillés. Oblonsky leur raconta une chasse à laquelle il avait assisté l'année précédente chez Malthus, un entrepreneur de chemin de fer riche à millions. Il décrivit les immenses marais gardés du gouvernement de Tver, les dock-cars, les tentes dressées pour le déjeuner. « Comment ces gens-là ne te sont-ils pas odieux ?» dit Lévin, se soulevant sur son lit de foin. « Leur luxe est révoltant. Ils s'enrichissent à la façon des fermiers d'eau-de-vie d'autrefois et se moquent du mépris public, sachant que leur argent mal acquis les réhabilitera. »« C'est bien vrai !» s'écria Veslovski. « Oblonsky accepte leurs invitations par bonhomie, mais... « Cet exemple est imité. »« Oh, vous vous trompez, » reprit Oblonsky. « Si je vais chez eux, c'est que je les considère comme de riches marchands ou de riches propriétaires qui doivent la richesse à leur travail et à leur intelligence. »« Qu'appelles-tu travail ? Est-ce de se faire donner une concession et de la rétrocéder ?»« Oh, certainement, en ce sens que si personne ne prenait cette peine, nous n'aurions pas de chemin de fer. » « Peux-tu assimiler ce travail à celui d'un homme qui laboure et d'un savant qui étudie ?»« Non, mais il n'en a pas moins un résultat, les chemins de fer. »« Il est vrai que tu ne les approuves pas. »« Ceci est une autre question, mais je maintiens que lorsque la rémunération est en disproportion avec le travail, elle est malhonnête. »« Ces fortunes sont scandaleuses. » Le roi est mort, vive le roi! Nous n'avons plus de ferme, mais les chemins de fer et les bancs qui suppléent. Tout cela peut être vrai, mais qui peut tracer la limite exacte du juste et de l'injuste? Pourquoi, par exemple, mes appointements sont-ils plus forts que ceux de mon chef de bureau, qui connaît les affaires mieux que moi? Je ne sais pas. Et pourquoi gagnes-tu, disons, 5 000 roubles? Là où, avec plus de travail, notre hôte, le paysan, en gagne 50. Et pourquoi Malthus ne gagnerait-il pas plus que ses piqueurs? Au fond, je ne puis m'empêcher de croire que la haine qu'inspirent ces millionnaires tient simplement à de l'envie. Ah, vous allez trop loin, interrompit Veslovski. On ne leur envie pas leur richesse, mais on ne peut se dissimuler qu'elles ont un côté ténébreux. Tu as raison, reprit Lévin, en taxant d'injuste mes 5 000 roubles de bénéfices. J'en souffre. Mais pas au point de donner ta terre aux paysans, dit Oblonsky, qui depuis quelque temps lançait volontiers des pointes à son beau-frère, avec lequel, depuis qu'il faisait partie de la même famille, ses relations prenaient une nuance d'hostilité. Je ne la donne pas parce que je ne saurais comment m'y prendre pour me déposséder, et qu'ayant une famille, J'ai des devoirs envers elle et ne me reconnaît pas le droit de me dépouiller. Si tu considères cette inégalité comme une injustice, il est de ton devoir de la faire cesser. Je tâche d'y parvenir en ne faisant rien pour l'accroître. Quel paradoxe! Oui, cela sent le sophisme, ajouta Vevsovski. Hé, camarade! Cria-t-il à un paysan qui entr'ouvrait la porte en la faisant crier sur ses gonds. Vous dormez donc pas encore, vous, les autres? Oh, non, mais je vous croyais endormi. Puis-je entrer, prendre un crochet dont j'ai besoin? Dit-il en montrant les chiens et se glissant dans la grange. Où dormirez-vous? Oh, nous gardons nos chevaux au pâturage. La belle nuit! S'écria Vasinka, apercevant dans l'encadrement formé par la porte la maison et les voitures dételées, éclairées par la lune. D'où viennent ces voix de femmes? Oh, sont les filles d'à côté. Allons-nous promener, Oblonski, jamais nous ne pourrons dormir. Oh, il fait si bon ici. J'irai seul, dit Vasinka, se levant et se chaussant à la hâte. Au revoir, messieurs, si je m'amuse, je vous appellerai. Vous avez été trop aimable à la chasse pour que je vous oublie. C'est un brave garçon, n'est-ce pas, dit Oblonski à Lévin, quand Vasinka et le paysan furent sortis. Oui, répondit Lévin, suivant toujours le fil de sa pensée. Comment se faisait-il que deux hommes sincères et intelligents l'accusassent de sophisme alors qu'il exprimait ses sentiments aussi clairement que possible? Quoi qu'on fasse, reprit Oblonski, il faut prendre son parti et reconnaître soit que la société a raison, soit qu'on profite de privilèges injustes et, dans ce dernier cas, faire comme moi. En profiter avec plaisir. Non, si tu sentais l'iniquité de ces privilèges, tu n'en jouirais pas. Moi, du moins, je ne le pourrais pas. Au fait, pourquoi n'irions-nous pas faire un tour? Dit Stepan Arkadievitch, fatigué de cette conversation. Allons-y, puisque nous ne dormons pas. Non, je reste. Est-ce aussi par principe? Demanda Oblonski, cherchant sa casquette à tâtons. « Non, mais qu'irais-je faire là-bas ?»« Tu es dans une mauvaise voie, » dit Stepan Arkadievitch, ayant trouvé ce qu'il cherchait. « Pourquoi ?»« Parce que tu prends un mauvais pli avec ta femme. J'ai remarqué l'importance que tu attachais à obtenir son autorisation pour t'absenter pendant 2 jours. Cela peut être charmant à titre d'idylle, mais cela ne peut durer. » L'homme doit maintenir son indépendance, il a ses intérêts, dit Oblonski ouvrant la porte. Lesquels? Ceux de courir après les filles de ferme? Si cela l'amuse. Ma femme ne s'en trouvera pas plus mal pourvu que je respecte le sanctuaire de la maison. Mais il ne faut pas se lier les mains. Peut-être, répondit sèchement Lévin en se retournant. Demain, je pars avec l'aurore et ne réveillerai personne, je vous en préviens. Messieurs, venez vite, va leur dire Vasinka. Charmante, c'est moi qui l'ai découvert, une véritable Gretchen, ajouta-t-il d'un air approbateur. Lévin fit semblant de sommeiller et les laissa s'éloigner. Il resta longtemps sans pouvoir s'endormir. Écoutant les chevaux manger leur foin, le paysan partir avec son fils aîné pour garder les bêtes au pâturage. Puis le soldat se coucha dans le foin, de l'autre côté de la grange, avec son petit neveu. L'enfant faisait à voix basse des questions sur les chiens, qui lui semblaient des bêtes terribles. L'oncle le fit bientôt taire et le silence ne fut plus troublé que par ses ronflements. Lévin, tout en restant sous l'impression de sa conversation avec Oblonski, pensait au lendemain. Je me lèverai avec le soleil, je saurai garder mon sang-froid. Il y a des bécasses en quantité. En rentrant, peut-être trouverai-je un mot de Kitty. Oblonski n'a-t-il pas raison de me reprocher de m'efféminer avec elle? qu'y faire. Il entendit tout en dormant ses compagnons rentrer et ouvrit une seconde les yeux pour les voir éclairés par la lune dans l'entrebâillement de la porte. « Demain, avec l'aurore, messieurs, leur dit-il. » Et il se rendormit. Le lendemain, il fut impossible de réveiller Vassia, couché sur le ventre et dormant à poings fermés. Oblonski refusa également de se lever, et Laska elle-même, blottie en rond dans le foin, étira paresseusement ses pattes de derrière, avant de se décider à suivre son maître. Lévin se chaussa, prit son fusil et sortit avec précaution. Les cochers dormaient près des voitures, les chevaux sommeillaient, il faisait à peine jour. « Pourquoi vous levez si matin, petit père ? » demanda une vieille femme en sortant de l'isba et l'accostant amicalement comme une bonne connaissance. « Oh, je vais à la chasse. Par où faut-il passer pour gagner le marais ?»« Oh, suis le sentier derrière nos granges, » dit la vieille femme, et elle le conduisit elle-même pour le mettre en bon chemin. Laska courait devant, et Lévin la suivit allègrement, interrogeant le ciel et comptant atteindre le marais avant que le soleil fût levé. La lune, visible encore quand il avait quitté la grange, s'effaçait peu à peu. L'étoile du matin se distinguait à peine, et des points d'abord vagues à l'horizon prenaient des contours plus distincts. C'étaient des tas de blé. Les moindres sons se percevaient nettement dans le calme absolu de l'air, et une abeille, en frôlant l'oreille de Lévin, lui parut siffler comme une balle. Des vapeurs blanches, d'où ressortaient, semblables à des îlots, des bouquets de cities, indiquait le grand marais au bord duquel des hommes et des enfants, enveloppés de cafetans, dormaient profondément après avoir veillé. Les chevaux paissaient encore, faisant résonner leurs chaînes et effrayés par Laska, ils se jetèrent du côté de l'eau en barbotant de leurs pieds liés. Le chien leur jeta un regard moqueur en regardant son maître. Quand Lévin eut dépassé les paysans endormis, il examina la capsule de son fusil et donna un coup de sifflet pour indiquer à Laska qu'ils entraient en chasse. Elle partit aussitôt, ravie et affairée, flairant sur le sol mouvant, parmi d'autres parfums connus, cette odeur d'oiseau qui la troublait plus que tout autre. Afin de mieux sentir la direction du gibier, elle s'éloigna et se mit sous le vent, galopant doucement pour pouvoir brusquement s'arrêter. Bientôt, sa course se ralentit, car elle ne suivait plus une piste. Elle tenait le gibier lui-même. Il était là, en abondance, mais où ? La voix du maître retentit du côté opposé. « Laska, ici !» Elle s'arrêta hésitante, fit semblant d'obéir, mais revint à l'endroit qui l'attirait, traçant des cercles pour se fixer enfin, sûre de son fait et tremblante d'émotion, devant un monticule. Ses jambes trop basses l'empêchaient de voir, mais son flair ne la trompait pas. Immobile, la gueule entr'ouverte, les oreilles dressées, elle respirait avec peine, jouissant de l'attente et regardant son maître sans oser tourner la tête. Celui-ci, croyait-elle, avançait lentement. Il courait au contraire, butant contre des mottes de terre et regardait avec des yeux qu'elle trouvait terribles, car avec une superstition de chasseur, ce qu'il craignait par-dessus tout, c'était de manquer son premier coup. En approchant, il vit ce que Laska ne pouvait que flairer, une bécasse cachée entre deux monticules. « Pile ! » cria-t-il. Oh, « Ne se trompe-t-il pas ? » pensa Laska. « Je les sens, mais je ne les vois pas. » « Si je bouge, je ne saurais plus où les prendre. » Mais encouragée par un coup de genou de son maître, elle se lança éperdue, ne sachant plus ce qu'elle faisait. Une bécasse se leva aussitôt et l'on entendit le bruit de son vol. Lévin tira. L'oiseau s'abattit, frappant l'herbe humide de sa poitrine blanche. Une seconde bécasse eut le même sort. « Bonne besogne, lascar !» dit Lévin, mettant le gibier tout chaud dans son charnier. Le soleil s'était levé quand Lévin s'avança dans le marais. La lune ne semblait plus qu'un point blanc dans l'espace. Toutes les étoiles avaient disparu. Les flaques d'eau argentées par la rosée reflétaient maintenant de l'or. L'herbe prenait une nuance d'ambre. Les oiseaux des marais s'agitaient dans les buissons. Des vautours perchés sur les tas de blé regardaient leur domaine d'un air mécontent. Et les corneilles voletaient dans les champs. La fumée du fusil blanchissait l'herbe verte comme une traînée de lait. Un des dormeurs avait déjà remis son cafetan et des enfants ramenaient les chevaux sur la route. « Petit oncle !» cria un des gamins à Lévin. « Il y a aussi des canards par ici, nous en avons vu hier !» Lévin éprouva un certain plaisir à tuer encore deux bécasses devant l'enfant. La superstition du premier coup de fusil ne se trouva pas vaine. Lévin rentra vers 10 heures, fatigué, affamé, mais enchanté, après avoir parcouru une trentaine de verstes, tué 19 bécasses et un canard, que, faute de place dans son carnier, il suspendit à sa ceinture. Ses compagnons, levés depuis longtemps, avaient eu le loisir de mourir de faim en attendant, puis de déjeuner. Le sentiment d'envie de Stepan Arkadievitch à la vue de ces petites bêtes, la tête penchée, repliée sur elle-même, si différente de ce qu'elles étaient sur les marais, causa un certain plaisir à Lévin. Pour comble de bonheur, il trouva un billet de Kitty. « Je vais à merveille, écrivait-elle, et si tu ne me crois pas suffisamment gardée, rassure-toi en apprenant que Marie Vassilievna est ici. » C'était la sage-femme, un personnage nouveau et fort important dans la famille. Elle me trouve en parfaite santé et restera quelques jours avec nous. Ainsi, ne te presse pas de revenir si tu t'amuses. La chasse et ce billet effacèrent dans l'esprit de Lévin deux incidents moins agréables. Le premier était l'état de fatigue du cheval de volée, surmené la veille et refusant de manger. Le second, plus grave, de ne plus rien trouver des nombreuses provisions données par Kitty au départ. Lévin comptait particulièrement sur des petits pâtés dont il croyait déjà sentir le fumet. En rentrant, ils avaient tous disparu, aussi bien que les poulets et la viande, et les os avaient été dévorés par les chiens. « Parlez-moi de cet appétit !» dit Oblonsky, résignant Vasinka. Je ne puis me plaindre du mien, mais celui de ce jeune homme le dépasse. Lévin, agacé et prêt à pleurer de contrariété, ne put s'empêcher de s'écrier. « On aurait vraiment pu songer à me laisser quelque chose. » Il dut se contenter de lait que son cocher alla lui chercher, mais, sa faim apaisée, il fut confus d'avoir témoigné si vivement ce désappointement et se moqua le premier de sa colère. Le même soir, après une dernière chasse, où Vasinka fit quelques prouesses, les trois compagnons reprirent le chemin de la maison et arrivèrent la nuit. Le retour fut très gai. Vemsloski ne cessa de rire et de plaisanter en se rappelant ses aventures avec les jeunes filles et les paysans. Lévin, en paix avec son hôte, se sentit délivré de ses mauvais sentiments envers lui. Vers 10 heures du matin, après avoir fait sa ronde à la ferme, Lévin frappait à la porte de Vasinka. « Entrez !» dit celui-ci. « Excusez-moi, mais je termine mes ablutions. Oh, ne vous gênez pas, avez-vous bien dormi ?»« Comme un mort. Que prenez-vous, le matin, du café ou du thé ?» « Oh, ni l'un ni l'autre, je déjeune à l'anglaise. Oh, je suis honteux d'être ainsi en retard. Ces dames sont sans doute levées. Ne serait-ce pas le moment de faire une promenade? Vous me montrerez vos chevaux. » Lévin y consentit volontiers. Ils firent le tour du jardin, examinèrent l'écurie, firent un peu de gymnastique et rentrèrent au salon. « Ah, nous avons eu une chasse bien amusante !» dit Veslovski, s'approchant de Kitty, installée près du samovar. « Quel dommage que les dames soient privées de ce plaisir !»« Oh, il faut bien qu'ils disent un mot à la maîtresse de maison !» pensa Lévin, déjà ennuyé de l'air conquérant du jeune homme. La princesse causait avec la sage-femme et Serge Ivanitch sur la nécessité d'installer sa fille à Moscou pour l'époque de sa délivrance, et elle appela son gendre pour lui parler de cette grave question. Rien ne froissait Lévin autant que cette attente banale d'un événement aussi extraordinaire que la naissance d'un fils, car ce serait un fils. Il n'en était pas que cet invraisemblable bonheur, entouré de tant de mystères pour lui, fut discuté comme un fait très ordinaire par ces femmes qui ont compté l'échéance sur leurs doigts. Leurs entretiens, aussi bien que les objets de la layette, le blessaient, et il détournait l'œil comme autrefois quand il devait songer aux préparatifs de son mariage. La princesse ne comprenait rien à ces impressions, et voyait dans cette indifférence apparente de l'étourderie et de l'insouciance. Aussi ne lui laissait-elle pas de repos. Elle venait de charger Serge Ivanitch de chercher un appartement et tenait à ce que Constantin donnât son avis. « Faites ce que bon vous semble, princesse, je n'y entends rien. Mais il faut décider l'époque à laquelle vous rentrerez à Moscou. Je l'ignore, ce que je sais c'est que des millions d'enfants naissent hors de Moscou. » Dans ce cas, Kitty fera ce qu'elle voudra. Mais Kitty ne doit pas entrer dans des détails qui pourraient l'effrayer. Rappelle-toi que Nathalie Galizine est morte en couche ce printemps, faute d'un bon accoucheur. Je ferai ce que vous voudrez, répéta encore Lévin d'un air sombre. Et il cessa d'écouter sa belle-mère. Son attention était ailleurs. Cela ne put durer ainsi, pensait-il, jetant de temps en temps un coup d'œil sur Vasinka penché vers Kitty et sur sa femme troublée et rougissante. La pose de Veslovski lui parut inconvenante, et comme l'avant-veille, il tomba soudain des hauteurs du bonheur le plus idéal dans un abîme de haine et de confusion. Le monde lui devint insupportable. Comme tu es en retard, dit en ce moment Oblonsky, étudiant la physionomie de Lévin, à Dolly qui entrait au salon. Oh, ma chat mal dormie et m'a fatiguée, répondit Daria Alexandrovna. Vasinka se leva un instant, salua, et se rassit pour reprendre sa conversation avec Kitty. Il lui parlait encore d'Anna, discutant la possibilité d'aimer dans ces conditions extra-légales, et quoique l'entretien déplût à la jeune femme, elle était trop inexpérimentée et trop naïve pour savoir y mettre un terme et dissimuler la gêne à la fois et l'espèce de plaisir que lui causaient les attentions du jeune homme. La crainte de la jalousie de son mari contribuait à son émotion, car elle savait d'avance qu'il interpréterait mal chacune de ses paroles, chacun de ses gestes. « Où vas-tu, Kostia ?» lui demanda-t-elle d'un air coupable en le voyant sortir d'un pas délibéré. « Bon, je vais parler à un mécanicien allemand venu en mon absence, » répondit-il sans la regarder, convaincu de l'hypocrisie de sa femme. À peine fut-il dans son cabinet qu'il entendit le pas bien connu de Kitty descendant l'escalier avec une imprudente vivacité. Elle frappa à sa porte. « Que veux-tu ? Je suis occupé !» dit-il sèchement. « Excusez-moi, » dit Kitty entrant et s'adressant à l'Allemand, « j'ai un mot à dire à mon mari. » Le mécanicien voulut sortir, mais Lévin l'arrêta. « Oh, ne vous dérangez pas. « Je ne voudrais pas manquer le train de 3 heures, » fit remarquer l'Allemand. Sans lui répondre, Lévin sortit avec sa femme dans le corridor. « Mais que voulez-vous ? » lui demanda-t-il froidement en français, sans vouloir remarquer son visage contracté par l'émotion. Je voulais te dire que cette vie est un supplice, » murmura-t-elle. « Ah, il y a du monde à l'office, ne faites pas de scène !» dit-il avec colère. Kitty voulut l'entraîner dans une pièce voisine, mais Tania y prenait une leçon d'anglais. Elle l'emmena au jardin. Un jardinier y nettoyait les allées. Peu soucieuse de l'effet que pouvait produire sur cet homme son visage couvert de larmes, Kitty avança rapidement, suivie de son mari, qui sentait comme elle le besoin d'une explication et d'un tête-à-tête, afin de rejeter loin d'eux le poids de leurs tourments. Mais c'est un martyr, qu'une existence pareille. Pourquoi souffrons-nous ainsi? Qu'ai-je fait? Dit-elle, lorsqu'ils eurent atteint un banc dans une église isolée. Bah, vous, que son attitude avait quelque chose de blessant, d'inconvenant, lui demanda Lévin, serrant sa poitrine à deux mains comme l'avant-veille. Oui, répondit-elle d'une voix tremblante, mais ne vois-tu pas, Kostia, que ce n'est pas ma faute? J'aurais voulu dès le matin le remettre à sa place. Mais mon Dieu, pourquoi sont-ils tous venus? Nous étions si heureux. Et les sanglots étouffèrent sa voix. Le jardinier, quand il les revit peu après avec des visages calmes et heureux, ne comprit pas ce qui avait pu se passer de joyeux sur ce banc isolé. Sa femme rentrait dans son appartement, Lévin se rendit chez Dolly et la trouva très excitée, arpentant sa chambre de long en large et grondant la petite Macha qui, debout dans un coin, pleurait à chaudes larmes. « Tu resteras là, toute la journée, sans dîner, sans poupée, et tu n'auras pas de robe neuve, » disait-elle, à bout de châtiment. « Qu'a-t-elle fait ? » demanda Lévin, contrarié d'arriver mal à propos, car il voulait consulter sa belle-sœur. « C'est une mauvaise fille. Ah, combien je regrette Miss Elliot. Cette gouvernante est une vraie machine. Figure-toi. » Et elle raconta les méfaits de la coupable Macha. « Oh, je ne vois là rien de bien grave. C'est une gaminerie. Mais, »« Mais qu'as-tu, toi? Tu as l'air ému. Que s'est-il passé ?» demanda Dolly. Et au ton dont elle fit ses questions, Lévin sentit qu'il serait compris. Nous venons de nous quereller avec Kitty. C'est la seconde fois depuis l'arrivée de Stiva. » Dolly le regarda de ses yeux intelligents. « La main sur la conscience, dis-moi, si ce jeune homme a un ton qui puisse non seulement être désagréable, mais intolérable pour un mari. Oh, que veux-tu que je te dise? Selon les idées reçues dans le monde, il se conduit comme tous les jeunes gens. Il fait la cour à une jeune femme, et un mari homme du monde en serait flatté. Ah, c'est ça, hein, tu l'as remarqué? Oh, non seulement moi, mais Stiva m'a fait après le thé la même remarque. Ah, alors me voilà tranquille. Je veux le chasser, dit Lévin. As-tu perdu l'esprit? S'écria Dolly avec terreur. À quoi penses-tu, Kostia? Va, dit-elle, s'interrompant pour se tourner vers l'enfant, prêt à quitter son coin. Va trouver Fanny. Je t'en prie, laisse-moi parler à Stiva. Il l'emmènera, on peut lui dire qu'on attend du monde. Non, non, je ferai l'exécution moi-même, cela m'amusera. Allons, Dolly, pardonne-lui, dit-il en montrant la petite criminelle debout près de sa mère, la tête basse et n'osant aller chez Fanny. L'enfant, voyant sa mère adoucie, se jeta dans ses bras en sanglotant et Dolly lui posa tendrement sa main amaigrie sur la tête. « Il n'y a rien de commun entre ce garçon et nous, » pensa Lévin, se mettant en quête de Vasinka. Dans le vestibule, il donna l'ordre d'atteler la calèche. « Les ressorts se sont cassés hier, » répondit le domestique. « Alors le tarantas, mais au plus vite !» Vasinka mettait des guêtres pour monter à cheval, la chambre posée sur une chaise, lorsque Lévin entra. Le visage de celui-ci avait une expression particulière, si Velovski ne put se dissimuler que son petit brin de cour n'était pas à sa place dans cette famille, et il se sentit aussi mal à l'aise que peut l'être un jeune homme du monde. « Vous montez à cheval en guêtre ?» lui demanda Lévin, s'emparant d'une baguette qu'il avait cueillie le matin en faisant de la gymnastique. « Oui, c'est plus propre, » répondit Vasinka, achevant de boutonner sa guêtre. C'était au fond un si bon enfant que Lévin se sentit honteux en remarquant la soudaine timidité de son hôte. « Je voulais, » il s'arrêta, confus, mais continua en se rappelant sa scène avec Kitty. « Je voulais vous dire que j'ai fait atteler. » « Pourquoi ? Où allons-nous ? » demanda Vasinka, étonné. « Pour vous mener à la gare, » dit Lévin d'un air sombre. « Ah, partez-vous ! Est-il survenu quelque chose ?»« Il est survenu que j'attends du monde, » continua Lévin, cassant sa baguette de plus en plus vivement. « Ou plutôt non. Je n'attends personne, mais je vous prie de partir. » « Interprétez mon impolitesse comme bon vous semblera. » Vasinka se redressa avec dignité. Oh, « Veuillez m'expliquer. »« Je n'explique rien, et vous ferez mieux de ne pas me questionner, » dit Lévin lentement, tâchant de rester calme et d'arrêter le tremblement convulsif de ses traits, mais continuant à briser sa baguette. Le geste et la tension des muscles dont Vasinka avait éprouvé la vigueur le matin même en faisant de la gymnastique convainquirent celui-ci mieux que ses paroles. Il haussa les épaules, sourit dédaigneusement, salua et dit « Pourrais-je voir Oblonski ?»« Je vais vous l'envoyer, » répondit Lévin, que ce haussement d'épaules n'offensa pas. « Que lui reste-t-il d'autre à faire ?» pensa-t-il. « Mais cela n'a pas le sens commun, c'est du dernier ridicule !» s'écria Stepan Arkadievitch lorsqu'il rejoignit Lévin au jardin après avoir appris de Veslovski qu'il était chassé. « Mais quelle mouche t'a piqué ? Si ce jeune homme... » La place piquée se trouvait encore si sensible que Lévin interrompit son beau-frère dans les explications qu'il voulait lui donner. « Ne prends pas la peine de disculper ce jeune homme. Je suis désolé, aussi bien à cause de toi que de lui, mais il se consolera facilement, tandis que pour ma femme et pour moi, sa présence devenait intolérable. Jamais je ne t'aurais cru capable d'une action semblable. On peut être jaloux, mais pas à ce point. » Lévin lui tourna le dos et continua à marcher dans l'allée en attendant le départ. Bientôt, il entendit un bruit de roues et vit passer au travers des arbres Vasinka assis sur du foin. Le tarantas n'avait pas même de siège, les rubans de son béret flottant derrière lui à la moindre secousse. « Qu'est-ce encore ?» pensa Lévin, voyant le domestique sortir en courant de la maison pour arrêter le véhicule. C'était afin d'y placer le mécanicien qu'on avait oublié et qui prit place en saluant auprès de Vasinka. Serge Ivanitch et la princesse furent outrés de la conduite de Lévin. Lui-même se sentait ridicule au suprême degré, mais en songeant à ce que Kitty et lui avaient souffert, il s'avoua qu'au besoin, il eût recommencé. On se retrouva le soir avec une recrudescence de gaieté, comme des enfants après une punition ou des maîtres de maison au lendemain d'une réception officielle pénible. Chacun se sentait soulagé et Dolly fit rire Varinka aux larmes en lui racontant pour la troisième fois et toujours avec de nombreuses amplifications ses propres émotions. Elle avait, disait-elle, réservé en l'honneur de leur hôte une paire de délicieuses bottines toutes neuves. Le moment de les produire était venu. Elle entrait au salon lorsqu'un bruit de ferraille dans l'avenue l'attira à la fenêtre. Quel spectacle s'offrait à sa vue! Vasinka lui-même, son petit béret, ses rubans flottants, ses romances et ses guêtres, ignominieusement assis sur du foin. Si du moins on lui avait attelé une voiture, mais non! Tout à coup, on l'arrête, Dieu merci, on s'est ravisé, on a pris pitié de lui. Pas du tout! C'est un gros Allemand qu'on ajoute à son malheur. Décidément, l'effet des bottines était manqué.